essayer de comprendre. Ou qui ça la vie doit pour ça. Ou pas qu'on l'ait ouari, ni qu'il l'ait ou a souffri. Est-ce que c'est ça grand secret la vie a? Que mon qui croit destin exister. Que nous t'aimons fait tout ça nous voulons. Nous vivons, nous tournons, nous pas changer rien. La vie nous t'est déjà écrite. Non pas quoi tout ça c'est vérité. Que la vie nous t'est déjà cassée. C'est pour ça la travail, pour nous pas changer rail, faut que la vie amène bon côté. Dans la vie, son seul bagaille qui vient, où tes maîtres fait une bonne délire. Faut qu'on pas mépriser, parce que faut pas oublier, que tout le monde va aller par les mêmes côtés. suplicado, maché suplicado, maché suplicado, maché suplicado, maché suplicado, maché suplicado, maché suplicado.